Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste. Une aventure qu'on écoute en direct à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir avec le projet de reprendre une émission que nous avions diffusée, Jean-Pierre Guy et moi, en mars 2014, mais dont les traces ont complètement disparu. Alors, ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est un bref descriptif et une liste de pièces qu'on avait fait jouer au cours d'une heure de radio dédiée à la poésie sonore. Cette poésie dite sonore destinée davantage au sens de l'écoute plutôt qu'à l'entendement, pourrait-on suggérer. L'objectif de l'émission était d'illustrer l'influence qu'ont exercée au cours du 20e siècle les poètes sonores sur le développement et la popularité aussi des arts sonores d'aujourd'hui. Je vais donc tenter ce soir de commenter en amont chacune des créations proposées en écoute lors de cette émission de mars 2014 qui débutait avec une création de Anat Peak, une poète sonore, compositrice et interprète qui s'est particulièrement intéressée à la poésie phonétique, ce premier jalon de la poésie sonore qui connaît un grand engouement au début du 20e siècle à travers des créations des artistes dada. Bon, Tristan Tzara notamment, comparse de Richard Wilson-Beck et surtout d'Hugo Ball, l'initiateur du fameux cabaret Voltaire. Cette scène éphémère de la création dadaïstes émergeant à Zurich, en Suisse. Alors, on écoute une création de Tristan Tzara, ça se passait en 1917, c'est interprété toutefois il y a quelques années par Anat Peak, ça s'intitule La Panka, tout ça accompagné d'un petit clin d'œil de mon collègue animateur de l'époque, Jean-Pierre Guy. Alors, on écoute ça. De la Hey, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Gaëtan? Eh bien, je dirais à Jean-Pierre que c'était la panka, considérée comme une illustration concrète des poèmes de voyelles de Tristan Tzara, une pratique qui compte parmi les premières manifestations de la poésie phonétique qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui dans des expressions toutes contemporaines, comme l'a fait le Canadien Paul Dutton, qui s'est placé à l'avant-scène de la poésie sonore internationale. On est dans les années 70-80, à partir de l'improvisation libre en musique dite de bouche. Il va côtoyer les Michael Snow, les John Oswald. Comme dit la critique, pas d'effet, pas de traitement électronique, ni de larsène, de doublage ou de fondu, que l'acoustique de l'oralité avec Paul Dutton. On écoute le poète sonore ontarien. Je l'ai évoqué rapidement, l'artiste et poète Hugo Ball va cristalliser le mouvement Dada à partir d'un manifeste qu'il rédige en 1916 dans lequel il exprime l'esprit du mouvement Dada vers la négation et la dérision, destruction volontaire du langage, création d'une langue non corrompue par les conventions, dit-il, invention d'une poésie d'onomatopée à la fois scandée, si possible, par des instruments de percussion. Si Dada ne devient explicite qu'en février 1916, lors de la lecture du manifeste du Gobal, les prémices tangibles du mouvement se concrétisent quelques mois plus tard avec la déclamation des poèmes sans mots et des expressions scéniques de Richard Wilson. J'ai inventé, écrit Hugo Ball, un nouveau genre de poésie, la poésie sans mots ou encore poésie phonétique où le balancement des voyelles est évalué et distribué uniquement selon la valeur de la série initiale. Il faut rappeler ici le contexte historique de l'émergence de l'avant-garde artistique à Zurich, alors que dans le reste de l'Europe fait rage la Première Guerre mondiale, comme on le sait, Zurich va s'avérer un havre de liberté où peuvent se retrouver des réfugiés, des révoltés, beaucoup d'intellectuels et des artistes. Alors on écoute Anna Tpik pour performer deux créations, cette fois, du Gobal. On écoute ça. Tretzlü petzli nebogen laila. Flösch kadabalubasch. Zack, hüdü, tschop. Zack, hüdü, tschop. Hüdü betzlü petzli. Prusch kadabalubasch. Fasch kiri pim. Tüdü kiri la bibi la bibi la bitzikodi tzakobam. Fisch kiri bisch. Bombalo, bombalo, bombalo, bombo. Titi kiti la bi. Tchak, gru, tchak. Tres, le petit nebogen, gru, gru. Blau, la la, viola, bimini, bich, viola, bimini, bimini, bimini, fouch, kadabarabash. Tchak, gru, tchak. Tres, le petit nebogen, gru, gru, gru, gru. Titi kiti la bibi, la bibi, la bibi, la bibi, titi tchakou, pam, fish, kadabish, titi flush. Kitty fash, fish, kadabam, fish, bim. Tidibim, kidibish, titi, fush, bum. Flesh, kida. Tack, hoodie, bats, hoodie, chop. Hiddy bet, tack, hoodie, bats, hoodie, chop. Hiddy bet, tick, tack, hoodie, bats, hoodie, chop. Hiddy bet, tick, ting, tack, hoodie, bat, hoodie, chop. Hiddy bet, tick, tick, trot, slip, bet, kid, never again, grew, grew, grew, grew. Viola, be mini, titi, be mini, be mini, titi, be mini, titi, be beesh. Fush, get a bit of a stick, hoodie, guru, chop. Hiddy ring, gack, and gack, and chick, tick, hit, guru, chop. Hérédip, garou, garou, garen. Tigaren. Tigar. Run. Tigr-r-n. En tigar ren tigaren tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Bon, à l'écoute des œuvres d'Hugo Ball, on se remet à penser aux créations improvisées de l'artiste et musicienne québécoise Diane Labrosse, qu'on retrouve dans son petit traité de sagesse pratique, un opus de chansons très dada, tantôt ironique, tantôt moqueur ou dubitatif, dit-on, puisant leur source dans les proverbes populaires. Alors, on écoute son ode à la liberté, Diane Labrosse. Tous les fous sont dans la nature. Bon, l'influence des poésies phonétiques dadaïstes persiste au cours du premier tiers du 20e siècle. Bien qu'il soit resté à l'écart du mouvement, le peintre, écrivain, poète Kurt Schwitters, qui est, dit-on, fortement influencé par la lecture de son ami Raoul Hausmann, artiste visuel aussi, poète, et il va s'intéresser tout particulièrement au rapport entre la signification des signes écrits et des sons. C'est dans ce contexte qu'il commence, Schwitters, à travailler sur son Ursonate. On est en 1923, un travail de poésie phonétique répondant aux règles d'une sonate, tout en restant fidèle à l'ironie caractéristique du mouvement Dada. L'Ursonate est considéré par l'artiste et poète sonore François Dufresne comme l'un des sommets de la poésie phonétique. Alors, on écoute un enchaînement de 3 extraits de l'Ursonate. Premier extrait de Kurt Schwitters, ce sera suivi d'une interprétation toute contemporaine du percussionniste et interprète nommé Steven Schick. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Oh, der Bebe, der Bebe, fünfbe, rr, Bebe, fünfbe, be, fünfbe, be, te, fünfbe, be, te, zeu, pegif, wie, de, de, sinr, iem, pittuto, te, du, ka, Rinzeke de bibi hinskermü, ziu hinze ziu rinskermü, rakete bibi, rum tüv tu, ziu hinze ziu hinskermü, ziu hinze ziu rinskermü, rakete bibi, rakete bici, fims bewe te ziu, u ti ti vi bi fims, u bi bi bi bi bi. O, C, C, C, C, C. O, Rinzekete, B, B. O, Nze, Nze. O, Langketorgel. Pepepepe, oka, oka, oka, oka. Lanke torgel, pipi, pipi, pi, tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Lanke torgel, rum, rum. Lanke torgel, tsiulen trill, num, tum, trill. Lanke torgel, rum, tup, to. Lanke torgel, tsiulen trill, num, tum, trill. Langtrigil, pe, pe, pe, pe, uka, uka, uka, uka. Langtrigil, pe, pe, pe, tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Langtrigil, runt, runt. Langtrigil, tsulin trill, lumpf, tumpf, trill. Langtrigil. On retrouve dans la création sonore québécoise des échos brillants de l'Ursonate de Kurt Schwitters. Dans l'entretien qu'elle m'accordait en mars 2024, la compositrice, musicienne et artiste sonore Danielle Palardi-Roger comptait Kurt Schwitters parmi ses sources d'inspiration. Dans une compilation d'inédits, on retrouve une création intitulée Garagonia Lululu, lui qui illustre des filiations de la musicienne avec la poésie phonétique. On est de plein pied dans la poésie sonore contemporaine. Alors, on écoute avec plaisir Daniel Balardi-Roger. Garagonia. Voilà ce qui complète la demi. On écoute pour se rendre à la pause une remarquable prestation de l'Ursonate de Schwitters. Elle est cette fois interprétée par le réputé poète sonore Jap Blanc, un passionné de la chose. Alors on écoute ça. Fums bovete tse ou pagif kvi e. Dill rbeba fims ba, rbeba fims ba ba, beba fims ba ba te, ba fims ba ba te tse, fims ba ba te tse u, fims ba ba te tse u, bagif kwi e. Dedesen hn rrrr i e, mpiftilf to til ye ka. Rinsik te bebe inskermu, die wansi di urinskermu, rak te bebe, rumpf. Tilf to. Ti went to the one skermu, ti went to the orin skermu, racket the baby, racket the betsy. Rum. Rumpf. Rum. Rumpf. Rum. Rumpf till. Rum. Brumpf, Dilf. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

fünf Volt her! Lange Trägel, pepepepepe, oka, oka, oka, oka. Lange Trägel, pipipipipi, zuka, zuka, zuka, zuka. Lange Trägel, rump, rinf. Lange Trägel, ziolent trill, lymph, dymph, trill. Lange Trägel, rumpf, tilf, to. Lange Trägel, ziolent trill, lymph, dymph, trill. Lange Trägel, pepepepepe, oka, oka, oka, oka. Lange Trägel, pipipipipi, zuka, zuka, zuka, zuka. Lange Trägel, rump, rinf. Lange Trägel, ziolent trill, lymph, dymph, trill. Obitata tu. Ziulentril, Rumpftilfto. Vous écoutez CKRL Radio. Vous écoutez La Croche Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille depuis les studios de CKRL dans Limoilou, au Québec. On s'intonise le 89.1. Gaëtan Gosselin, microphone, on poursuit l'écoute ce soir de créations associées à l'univers de la poésie sonore avec l'idée de redonner vie à une émission diffusée en 2014 qui a disparu tout simplement de nos archives, une émission bâtie à l'époque à partir d'œuvres sonores, phonétiques et littéraires, à l'origine, en tout cas, de la poésie sonore d'aujourd'hui. Le travail sonore de Daniel Palardy-Roger, qu'on entendait en première demi, nous rappelle que la scène artistique du Québec a participé à ce mouvement d'expérimentation langagière et phonétique à la source de la poésie sonore, trouvant sans doute en Claude Gauvreau l'un des plus illustres pionniers de la poésie performée. Je vous cite un extrait de l'Encyclopédie canadienne à son sujet. Claude Gauvreau, poète et dramaturge né à Montréal en 1925, figure singulière, visionnaire et iconoclaste, polémiste et militant du mouvement automatiste, cet écrivain qui a laissé une œuvre immense et méconnue de son vivant, un poète maudit dont on retient la puissance du verbe, son écriture fulgurante du symbolisme au surréalisme en passant par l'exploréen a fait exploser le langage vers des sommets d'abstraction lyrique. Comme le précise le critique Jean-Pierre Denis, il y a chez Claude Gauvreau une façon de dire qui tend vers l'inconnu. Il exprime ses secrets et son désir de provocation au moyen d'un langage qu'on dit mystérieux, à mi-chemin entre le langage parlé et l'onomatopée, décomposant ainsi les mots pour retourner à leur nature propre, les phonèmes. Alors voilà, je referme les guillemets, on écoute Gauvreau dans le cadre de la célèbre nuit de la poésie. On est le 27 mars 1970. On écoute ça. Mes apports à la nuit de la poésie sont de diverses époques, mais ils sont tous à fort accent non figuratif. Le premier texte que vous entendrez de moi est de 1945. C'est un extrait des entrailles. En fait, il s'agit d'une pièce de théâtre, mais d'une pièce de théâtre sans personnage. Fatigue et réalité sans soupçon. Que laissa Kyrien Koblienis Jaboir, Velé Yoto Kobichunit Sableoko, Vénissir Shlam Kirioti Kliko, Sanessa Velo Mouchnaïk Revoi, Karinaïn Benessoir Sadler Ashmatz, Kriyun Alego Amamor Répiut Leslie. Agladin Neteon, Paklika Eremetz, Jacklian Mandous, Petriobor, Nashnea Griawa, Setelsel Cariassonner, Joquamoal, Nontonduc, Alessandre Hébrer, Novakipalaise, Dvoriadiana, Controuel, Tetrapaït, Joncel, Nilakawa, Alrivage, Agdoc, Cousine Germaine, des Plates, Circuits, Mons, Dobo, Les Villes Claires, Palos, Pensée, Moulmalos, Adjuat, Knoas, Sali, Bleuillet, Aclistantan, Chnouem, Jaconitz, Ulbeka, Croen, La Toilia, Desjoitons, Toi des Coins, Lite, Gazer, Guatena, Chapelle Automatique. Quelques 5 ans plus tard, ce sont les premiers poèmes purs, c'est-à-dire étal mixte. Vous entendrez 2 extraits d'étal mixte. Voici le premier. Sentinelle, onde. Terreau, bongi, fulipajor, paflucan, Saint-Solly, buri de Macnollo. Un livre destin acnologia le presbytoire, offrit l'arôme et le castor de celui qui vécut dans un polichinelle de carton. Des yeux hybrides avaient des cadenas où pendait mon cœur sollicité par 2 émaux. Et dans ce premier ménage, voici le fer blanc armaturé de crin, des aubes logent ici. C'est le cerceau sanguinaire du strupel épilatoire qui regagne et frémit dans son hélice de foie gras. Obilé, Bobna Pridé, Saint-Chauluglé, Sancy-Tilon, Papruca de Fin-Lonon. Un discours désolé trempe dans la niche liquide de son bréviaire de con. Les arbres sautent par les portes. Les oudelots ont des barbes clichétaires qui ramonnent le sillon sinueux d'une plus belle drave. Hoc Navio, Kim Prado, poche la ficlette. Saudure et six drapeaux, Sassfully, bandé, bras bûchés. Un dos d'angle à des os de côté et un nez pour ses vieux jours. C'est la parade Picard, le prénom Flivulien. C'est le grigeux Plepnipocaire qui auréole de son agape la folle fureur du Dixin aléatoire. Au Brémat, les lois sautonnèrent, fit rap et blit la cutchque. C'est le soir, et c'est l'ardoise où les pipis de bonne volonté crassettent les piments dérisoires du scientiste. Aigro, coco, bébé, fiflondon, faflo, pilot, dus du lit, drégado, quincouche. Un œil sur le viandre, un ox sur le pléblaire. Les igdours ont des maléfices de poivre qui pervertent le creux des anges bossus. Un balcon filuflaire qui exauce les ramones assidus de la croupe en fer à cheval. C'est le bio-colon pinaclin, le débauche arfudri, os de clanclaube, le barbirard Paul, le sauzic globédin. Une pinocle issue du père Felin à des jouvres qui chancent le pèse du zephyr cournoyé de ses andes. Arrivé par les paludes, accouché par les oreillers, invectivé par les fissures, le dos docile à des cauchemars de mouettes et de glaives, en son hyperbolé, un acton franche, le poste tout bigoulé, et la coule et la drophe, un ciment préfecteur, qui a des œils de princesse, qui a des moules de corbeau, qui a des suzes de brachita. C'est la savane, c'est la bureté, c'est la folie allemande, qui a des noces pour se distraire et un poignet pour dire la messe. L'arôme enfle dans le crépuscule hispanard qui courroie le bleu givré. Cendrillon boréal, fumée, œuf, nœud, Ougue, aglinde, sol, péfé, fille, frolonde, huc. Bon, c'était Claude Gauvreau qui a profondément marqué la culture artistique de son époque. On le sait, c'est un visionnaire engagé dans de nombreuses pratiques artistiques et en grande filiation avec les dadas, les lettristes et la poésie performée. Fervent du mouvement automatiste, il écrit pour le théâtre et la radio, se retrouve parmi les signataires du Refus Global, un destin fabuleux. Il écrit des chansons à dimension exploréenne, dont une magnifique chantée par Robert Charlebois, Trop belle pour mourir, une évocation de sa muse disparue, Muriel Guilbeault. Alors on écoute Charlebois, Trop belle pour mourir. Coque fedouille. Sur la blonde tignasse, prairie d'étoiles sur les mirettes, gambette d'Oslo, nombril diamanteux. Les bras sont un serpent au sang chaud. Sous tes peaux de bras. dépôt des vaves, sous dépôt des vaves. Cigaligne, as-tu you su? Singling, as-tu ça you see? Elle a étranglé le bedeau. Boubionne sous la dictée. Oslo, coco, cautérisé. Feuillure ses bras sont un serpent au sang chaud. Il y a d'étranges hasards et des transformations qui s'opèrent dans le monde de la création, tout azimut. Pendant que Claude Gauvreau et d'autres artistes signent le manifeste Refus Global, ici au Québec, on est en 1948, on invente ailleurs un outil technique qui va donner naissance, quelques années plus tard, à la poésie sonore contemporaine, on va dire ça comme ça. Je parle évidemment du magnétophone, un outil technique qui va permettre à des artistes et des poètes d'amplifier, d'accompagner, de transformer leur propre voix. Simon Dumas, l'animateur du collectif d'art littéraire Rhizome, évoque ce phénomène dans ce qu'il appelle la révolution magnétique de 1958, l'année où, sans le savoir ni se consulter, dit-il, Henri Chopin, François Dufresne, Brian Gysin et Bernard Heidsieck inventent la poésie sonore, une poésie performée et accompagnée d'un adjuvant technologique qui la distingue de la poésie dite phonétique, le magnétophone. Je referme les guillemets, je vous propose qu'on écoute d'entrée de jeu un pionnier de cette forme de poésie assistée du magnétophone, Henri Chopin. Un audio-poème intitulé « La fusée interplanétaire », ce sera suivi d'un extrait de poésie sonore contemporaine, cette fois du poète et écrivain Patrick Dubost. La fusée interplanétaire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 0. Né, ovationné, paraffiné, allurné, ordonné, saucissonné, déchaîné, né, mal confectionné, présélectionné, laminé, carafourné, trompillonné, caparaçonné, caréné, anonné, spontané, inséminé, rayonné, interné, taillonné, postillonné, né, léoniné, éborné, épaillonné, chiffonné, calciné, malnonné, malnommé, malluné, malonné, mariné, déraciné, sexuellement charné, ravaginé, poisson tachonné, d'abonné, sidonné, sidonné, sidonné, sigonné, sifatrigné, sifonné, citronné, aiguillonné, cramponné, capitonné, cartonné, éliminé, cerné, incarné, goudronné, carillonné, étalonné, surligné, tropagé, troconné, commotionné, décommissionné, subventionné, déparrainé, plus affectionné, assassiné, abandonné, abandonné, abandonné, aliéné, qui tourne, régénéré, déraciné, dégénéré, surentraîné, surdéterminé, surimpressionné, passionné, surmené, mené, papier, papillonné, papier, cucurbitacé, jamais assez, programmé, étonné, glané, verné, garné, plombier, panorama, foutoir, bombard, batisca, fanulé, rayé, cannelé, fiesé, accaparé, caminé, molécule, patatra et foiné, trottiné, foiné, enfoiré, foie neuf, foie neuf, ça fait, dépassé, 80, un, dervané, accompagné, fanillé, tronçonné, lanterné, d'impanier, carmené, carné, galiné, carné, concarné, né, cutané, carniné, sambané, bâté, sambané, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné, bronné. On raconte qu'Henri Chopin faisait une nette distinction entre la poésie phonétique, celle dont on a parlé jusqu'ici, initiée par les dadas, les lettristes, Hugo Ball, et la poésie sonore, qui est une pratique poétique qui tire parti des techniques d'enregistrement dont elle dispose, bon, en l'occurrence le magnétophone. Il insiste, Chopin, pour souligner le fait que la poésie sonore n'a pour lui rien à voir avec la poésie, ni même la poésie phonétique, même s'il reconnaît que cette dernière a ouvert la voie à la poésie sonore. C'est dans cette veine que va émerger la poésie sonore de Bernard Hetzeck, grand maître de la poésie assistée du magnétophone. Au milieu des années 50, il rompt avec la poésie écrite à une poésie dite passive. Il oppose une poésie active, la poésie debout, selon sa propre expression. Dès 59, il exploite le magnétophone comme moyen d'écriture et de retransmission, ouvrant ses recherches à des champs d'expérimentation novateurs pour l'époque, la spatialisation du texte, la présence de son corps dans l'espace, la dimension plastique de la voix, et j'en passe. Alors, on écoute un extrait de cette prestation célèbre intitulée « Vaduz ». Vaduz. Passe-partout numéro 22. Autour de Vaduz, il y a des Suisses. Il y a des Suisses. Autour de Vaduz, il y a des Autrichiens. Il y a des Allemands. Autour de Vaduz, il y a des Allemands. Il y a autour de Vaduz des Tyroliens. Il y a autour de Vaduz des Tyroliens. Il y a des Saxons. Il y a des Saxons. Il y a autour de Vaduz des Bavarois. Des Bavarois. Il y a autour de Vaduz des Slovènes. Des Silésiens. Des Tchèques. Il y a autour de Vaduz des Slovaques. Des Slovaques. Il y a tout autour de Vaduz des Magyars. Des Magyars. Il y a des Slovènes. Il y a des Ligures. Des Vénitiens. Des Italiens. Des Italiens. Il y a des Provençaux. Il y a des Provençaux. Il y a des Savoyards. Il y a des Savoyards. Il y a tout autour de Vaduz des Lorrains. Des Lorrains. Des Alsaciens. Des Alsaciens. Il y a autour, de Vaduz, il y a des Polonais, il y a des grands Russes, il y a des Ruthéniens, il y a des Ruthéniens, il y a autour de Vaduz des Tziganes, tout autour de Vaduz des Ukrainiens, tout autour de Vaduz des Monténégrins, tout autour de Vaduz des Roumains, tout autour de Vaduz des Serbes. Il y a autour de Vaduz. Il y a tout autour, tout autour de Vaduz, il y a des Macédoniens, il y a autour de Vaduz des Albanais, il y a des Grecs, des Siciliens, des Toscans, des Sardes, des Néfoussas, des Berbères. Il y a des Andalous autour de Vaduz. Il y a des Espagnols. Il y a des Catalans. Il y a autour de Vaduz des Basques. Tout autour de Vaduz. Des Occitans. Des Auvergnats. Des Auvergnats. Il y a tout autour de Vaduz des Français. Vous l'avez constaté, les échos sonores de cette poésie en action de Bernard Hetzec va faire émerger de nombreuses pratiques de la poésie sonore, scéniques et performatives. Ils sont nombreux à s'inspirer des élans oraux, phonétiques, sémantiques, artistiques et technologiques de la poésie à l'entrée des années 60. L'un d'eux, pour compléter l'émission de ce soir, se nomme Anne James Chaton, un artiste et poète sonore français né en 1970. À Besançon, qui a développé, dit-on, une œuvre multipolaire fondée sur une étude continue des matériaux textuels qui rythment le quotidien des sociétés contemporaines. Il a reçu le prix international de littérature Bernard Hetzec. On l'écoute ici performer un projet intitulé « Événement », une longue suite de travaux performatifs. Vendredi 8 janvier 1999, événement numéro 1. Washington, un paquet de cigarettes, Washington, dérail en Irak. Charles Noir, Terre, Washington, dérail en Irak. Français, 08, Jean, 99, Salle, 8, Total, 8, A, Prinette, un paquet de cigarettes, 25, Washington, cigarettes, Chesterfield, US, Trademark, Original, Sins. Washington, dérail en Irak. 1912, American, Blaine, Made Under, Authority of, an affiliate of, Philip Morris, Product, INC, Richmond, VA, USA, selon la loi numéro 91-32, nuit gravement à la... Washington, dérail en Irak. Santé, un ticket, Monoprix, 99 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75-011 Paris, Dell, 01-43-07-59-40, Fax, 01-43. Washington, dérail en Irak. 3-46-85-14, Pagine, Irish Whiskey, 2x75-04-75-04, Dot, 75-04, Espèce, 100-40-24-80. Washington, dérail en Irak. 16, nombre d'articles, 1 euro, égal 6,55,95,5, FM, total en euro, 11,54,08,01,99, 18h24, 0. Washington, dérail en Irak. 1,60,08,05,70,2, Monoprix Saint-Antoine, 01,43,07,59,40, un livre, UCL, idée directrice pour une phénoménologie. Washington, dérail en Irak. Tel Gallimard, 97-82-07-07-03-47-03-85-3-70-34-7-ISBN-07-0. Washington, dérail en Irak. 07-03-47-9-RATP-SNCF-Section-Urbaine-NAT-DC-2-CL-RER-M-UC-00-34-52-30. Washington, dérail en Irak. Washington, carte postale 1999 pour la sortie de la revue The Incredible Justin Adventures et l'occasion de la création du Zabraka Band. Zabraka invite Washington, dérail en Irak. Invite déjà au garage le vendredi 8 janvier 1999 à 20h30 et vous propose une nuit de nuit. Eh bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir autour de quelques-uns des artistes, poètes et poétesses dont les œuvres et les pratiques artistiques et littéraires sont à l'origine de la poésie sonore d'aujourd'hui. Comme je l'ai signalé en début d'émission, il s'agissait de redonner vie à une émission perdue diffusée en 2014 en compagnie de mon collègue de l'époque, Jean-Pierre Guay. Comme à l'habitude, grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir, ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant sur le site La Croche-Oreille. Cela dit, restez des nôtres, c'est Rock Medium et Mathieu Johnson qui s'amènent dès 22h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des créations du poète sonore d'origine belge, Paul Devry. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Glen Caroli. Tiflis. Tiflis. Tiflis. Tiflis. Glen Caroli, Caroli, Caroli, Caroli, ti, ti, tudu, tudu, tuyu, tuyu, tudu, tuyu, tuyu, tuyu, tuyu, tuyu, tuyu, tuyu, tiflis, tiflis, tu, tu, tu, tu, cantalabrica, la, cantalabrica, la, apinica, apinica, casica, casica, nausica, nausica, Glen Caroli, Glen Caroli, Ulysses ti. Tiflis, Tiflis, Tiflis, Tiflis, Tiflis, Tiflis, Tiflis, Tiflis.